Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. La phrase clé de la leçon 33 est la suivante. Anna-san ni agemasu. Je vais te la donner, Anna. Plus littéralement, je vais la donner à Anna. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de la Thaïlande. Anna séjourne à Shizuoka en compagnie de son amie Sakura. Aujourd'hui, Sakura assiste à la cérémonie de mariage d'une amie. Pendant ce temps, Anna s'est rendue à un festival sur le campus avec le cousin de Sakura, Kenta. Il visite l'exposition du club de photographie auquel appartient Kenta. Écoutons le sketch de la leçon 33. La phrase clé est Anna-san ni agemasu. Je vais te la donner, Anna. Plus littéralement, je vais la donner à Anna. これは僕が富士山で撮った写真です。 あ、私だ。 驚いた？後でアンナさんにあげます。 写真をくれるんですか？嬉しいです。 Laissez-moi vous expliquer le sketch. Kenta a emmené Anna à la salle d'exposition du club de photographie. これは僕が富士山で撮った写真です。 Ceci est une photographie que j'ai prise au mont Fuji. これ signifie ceci. わ est la particule qui indique le thème de la phrase. 僕 signifie je, moi. C'est un mot familier utilisé par un homme lorsqu'il fait référence à lui-même. な est la particule qui indique un sujet. 富士山 signifie mont Fuji. で est une particule qui indique un lieu. Totta est la forme en ta du verbe torimasu, prendre une photo. La forme en ta exprime le passé, donc qu'une chose est accomplie. Shashin signifie photographie, photo. Des est une expression polie placée à la fin d'une phrase. Boku ga Fujisan de totta, donc je l'ai prise au mont Fuji, se rapporte au substantif shashin, une photo. C'est bien ça? C'est juste. Les mots, phrases ou propositions qui se rapportent au substantif se placent devant ceux-ci. Les verbes de ces phrases ou propositions se mettent à la forme simple, comme « totta ». Je vois. On doit donc utiliser la forme simple des verbes, c'est-à-dire la forme du dictionnaire ou la forme en « ta ». Alors, comment dit-on « le livre que j'ai lu » ? Le livre, c'est « hon ». Que j'ai lu se dit « watashi ga yonda ». Donc, le livre que j'ai lu se dit Watashi ga yonda hon. Je vois. Watashi ga yonda hon. Retournons au sketch. Anna dit Ah, watashi da. Oh, c'est moi. Ah est une exclamation qui exprime la surprise. Watashi. C'est moi, je. Da est une expression familière qu'on place à la fin d'une phrase. La photo sur laquelle se trouve Anna est exposée, n'est-ce pas? Kenta a pris la photo lorsqu'ils sont allés l'autre jour à l'endroit où l'on retrouve un superbe panorama sur le mont Fuji. Kenta dit à Anna « Odoroita ?»« Es-tu surprise ?» Littéralement, « Étais-tu surprise ?»« Odoroita » est la forme en « ta » du verbe « Odorokimasu » être surpris. Si on le dit en haussant l'intonation, ça devient une question. Pour être poli, on dira « Odorokimashita ka ?» Atode. Anna-san ni agemasu. Je vais te la donner, Anna. Plus littéralement, je vais la donner à Anna. Atode signifie plus tard. Anna-san. C'est Anna. Ni indique celui ou celle qui est bénéficiaire de l'action. Agemasu signifie donner. En japonais, de façon générale, on n'utilise pas tu, toi. Anata. Pour faire référence à une personne à qui l'on s'adresse directement. Dans de nombreux cas, le faire serait considéré impoli. Il faut plutôt dire son nom. Je m'en souviendrai. Je vais te la donner, Anna, est notre phrase clé aujourd'hui. Exerçons-nous à la dire. Anna-san ni agemasu. Anna est surprise et demande 写真をくれるんですか? Tu vas me donner la photo? 写真 signifie photo. Dans ce cas, la photo qu'il regarde. O est une particule qui indique l'objet d'une action. くれる est la forme du dictionnaire de くれます donner. んですか? Est une expression utilisée lorsqu'on cherche une explication ou une confirmation. Anna poursuit. 嬉しいです。 Je suis contente. 嬉しい est un adjectif qui signifie content. Des est une façon polie de conclure une phrase. Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 33. Notre phrase clé aujourd'hui est Anna さんにあげます。 Je vais te la donner, Anna. これは僕が富士山で撮った写真です。 私だ。 驚いた。後でアンナさんにあげます。 写真をくれるんですか？嬉しいです。 Passons à notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Nous avons appris aujourd'hui deux verbes dont la signification est donner. Agemas et kuremas. Est-ce spécifique à la langue japonaise? Les deux mots ont la même signification, mais ce n'est pas évident de les utiliser correctement. Demandons à notre professeur. En japonais, on utilise des verbes différents selon que l'on parle du point de vue de celui qui donne ou de celui qui reçoit. Comme dans le cas de Kenta dans ce sketch, lorsque le locuteur donne quelque chose à la personne qui écoute, le locuteur dit avec le point de vue de celui qui donne. Agemas est aussi utilisé lorsque les gens, en général, donnent quelque chose aux autres. Mais il faut faire attention. Agemas sous-entend faire une faveur aux autres. Ce serait donc impoli d'utiliser ce mot lorsque l'on parle de donner quelque chose à un supérieur. Dans ce cas, on dirait « sashi agemas », une expression qui marque le respect pour la personne qui reçoit. Par ailleurs, pour dire « donner », on utilise « kuremas ». Du point de vue de la personne qui reçoit. Donc, lorsque Kenta donne une photo à Anna, Anna emploie le terme « kuremas » dans lequel Kenta est le sujet. On emploie aussi « kuremas » pour désigner le fait de donner à une personne proche de soi comme un membre de la famille. « Uchi » désigne les proches. La distinction entre « uchi » les gens près de vous, les gens qui vous sont proches, et « soto » les gens qui vous sont éloignés, les gens qui ne font pas partie de vos proches, est importante pour parler le japonais correctement. On n'utilise pas de terme honorifique lorsque l'on parle des gens qui appartiennent à votre uchi. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Nico Nico. Je connais ce mot. On sourit, Nico Nico. C'est juste. Nico Nico décrit une personne qui sourit en silence et gaiement. Il existe une expression similaire. Nia Nia. Cela décrit une personne qui esquisse un sourire. Ce n'est pas un compliment. On décrit ainsi, par exemple, un homme qui sourit de manière grivoise à une belle femme. Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons » aujourd'hui, nous vous avons parlé de « Nico Nico » et de « Nia Nia ». Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». Au festival sur le campus, il y avait des stands alimentaires tenus par des étudiants. J'ai mangé des nouilles sautées. On dit que l'automne est la saison des arts, des sports et du bon appétit. Quelle belle saison! Vous avez apprécié la leçon 33? Notre phrase clé aujourd'hui était... Anna さんにあげます. Je vais te la donner, Anna. La prochaine fois, Anna profitera de l'abondance des fruits de mer à Shizuoka. Ne manquez pas notre prochaine leçon.